Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Qu'est-ce que c'est Web Musique? Ben, c'est une émission qui vous propose une sélection assez éclectique d'habitude de musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous rendez sur le site pour télécharger tout ce que vous entendez à l'émission. C'est aussi disponible en balado-diffusion, donc si vous manquez des petits bouts de l'émission, ben c'est pas grave, vous pouvez toujours revenir plus tard et réécouter l'émission à l'heure qui vous convient. Cette semaine, on va débuter avec un artiste qui vient de l'Ukraine qui s'appelle DJ Racy AJ. Je vous fais passer sa pièce Eternal Search, c'est sur le net label bulgare Dusted Wax Kingdom. Ensuite de ça, de la Hongrie, sur l'étiquette Soundpeel, je vous fais passer le groupe Tape Underground, la pièce Sad. Donc on débute tout de suite avec DJ Racy AJ. Thank you. sur l'étiquette Soundpeel, c'était le groupe hongrois Tape Underground, la pièce Sad. Avant ça, c'était un artiste ukrainien du nom de DJ Racy AJ avec sa pièce Eternal Search. C'était sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. On poursuit Web Music avec deux artistes français qui sont sur le net label Pavillon 36 Recordings. Donc, on va débuter avec Syndrome, donc comme je vous le disais, qui vient de la France. Je vous fais entendre sa pièce « We Bless Their Soul, Their Lost Souls ». Puis ensuite de ça, c'est Pierrot de Moon avec la pièce « K+ ». Donc, deux artistes qui se retrouvent sur le net label Pavillon 36 Recordings. Yeah. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL, une pièce remplie de bass par le français Pierrot de Moon, la pièce K+. Avant ça, c'était un autre français du nom de Syndrome. Sa pièce s'appelle We Bless Their Lost Souls. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur le net label Pavilion 36 Recordings, un excellent net label. On va poursuivre tout juste avant la pause avec une pièce d'un russe qui s'appelle Cubic. C'est sur le net label Mix Galaxy Records, un net label qui vient de la Russie. Je vous fais passer sa pièce qui est sur une compilation qui s'appelle 222. C'est une compilation avec 22 morceaux de 2 minutes 22 chacun, donc un album concept qui est vraiment bon. C'est assez varié. Vous avez de l'électronique, du folk, toutes sortes de trucs donc reliés à l'étiquette Mix Galaxy Records. Donc, sans plus attendre, on va entendre Cubic avec sa pièce Owl. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait le russe Cubic avec sa pièce Owl. C'est sur le netlabel Mix Galaxy Records, un netlabel qui nous vient de la Russie. Très bon netlabel, ils ont seulement deux albums pour le moment, deux compilations, mais je pense que ça promet énormément. Donc, on va poursuivre avec trois artistes qui sont sur le netlabel Ruffle Tracks. Ruffle Tracks, netlabel complètement pété, qui ont vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire, qui font des vidéos dans le style YouTube Poop, donc sont vraiment particuliers. Je vais débuter avec Orangey, qui sa pièce Penne Pastarotti, et ensuite de ça, c'est Vervaf, donc c'est un autre nom d'artiste de Orangey. Donc, sa pièce s'appelle Focus Group. Puis ensuite de ça, le maître du netlabel, Mr. Simon, avec sa pièce Milkshake Slope. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. You want it, the thing that makes me, what the guys go crazy for. They lose their minds, the way I want it, I think it's time. La la, la la, la. Warm it up. La la, la la, la. The boys are waiting. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. See, you want it, you want me to teach thee techniques that fix these boys. It can't be bought, just don't please get caught. Watch if you're smart. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Who wants to get involved? Everyone will look this way, so you must maintain your charm. Same time maintain your halo. Just get the perfect blend. Let's put your helmets in. Then next is Isaac's point. Then he's picked up your scent. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Vous venez d'entendre Mr. Simon, donc la pièce Milkshake Slope. Avant ça, c'était l'artiste américain Vervaf, la pièce Focus Group. Puis ça débutait par, c'est le même nom d'artiste que Vervaf, mais cette fois-ci sous le nom de Orangey. C'était sa pièce Penne Pasta Roti. Donc, trois artistes qui se retrouvent sur le net label Ruffle Tracks, qui sont très prolifiques, qui adorent remixer des trucs vraiment sautés. Je pense la pièce qu'on vient d'entendre, Mr. Simon, ça devait être une pièce de R&B, mais remixée vraiment assez violemment. Donc, c'est ça, je vous invite à aller voir les artistes de Ruffle Tracks. Ils ont toujours des trucs vraiment tordants. On va poursuivre avec un album qui est vraiment spécial. C'est des artistes qui sont sur l'étiquette Peppermill Records. Peppermill Records qui vient de Vancouver, donc, ou plutôt de la Colombie-Britannique, je ne me souviens plus exactement de quelle ville. Mais donc, qui ont fait un enregistrement. C'est un festival qu'ils ont fait dans les montagnes, donc dans les Rocheuses. Puis, se sont enregistrés autour du feu de camp. Donc, on peut entendre le feu crépiter pendant les pièces. Donc, c'est un concept vraiment intéressant. On va débuter avec un artiste américain du Nouveau-Mexique, du nom de... plutôt, je crois que c'est un duo. Donc, il s'appelle Hawk and Haxa. La pièce s'appelle « The man who sold his beard », donc l'homme qui a vendu sa barbe. Puis ensuite de ça, une fille du Texas qui s'appelle Phoebe Reyna. Je vais entendre sa pièce « Smart ». Donc, c'est deux pièces qui se retrouvent sur l'étiquette « Peppermill Records ». Sorry, we don't have any sing-alongs. That's okay. I had too many, so. You can help talking in everyone's brain right now, so we can deal with it. The sing-alongs. My brain is foggy right now. In a good way. Yeah, maybe. Yeah. Just then. Yeah. You want to dance? I might. I might. Down the hill. Yeah, just stop it. Watch where you step now. Yeah. Oh, I'm getting up, man. Ready? Yeah. Oh, yeah. They're good now. Une pièce, comme vous avez pu l'entendre, qui était autour du feu. On poursuit tout de suite avec Fabienne Reyna, une artiste du Texas, toujours sur Paper Mills Records. Okay. My dad gave me $1 bill. 'Cause I'm as smart as son, I'm as smart as son. And I swapped it for two shiny quarters. 'Cause two is more than one. And I took the quarters and traded them to Lou. 'Cause I'm as smart as son, I'm as smart as son. She traded me three dimes. I guess she didn't know that three is more than two. Just then along came old blind face. And just 'cause he can't see, he gave me four nickels for my three dimes. So I took the necklace to her ankles down by the seat feed store. Cause I'm as smart as son, I'm as smart as son. And that old fool gave me 5 pennies for them. And 5 is more than 4. I'm as smart as son, I'm as smart as. I'm as smart as son, I'm as smart as. I'm as smart as son, I'm as smart as. And I went and showed my dad. Yeah, he got red in the cheeks and closed his eyes, shook his head. Too proud of me to speak. Donc, il s'agissait de Phoebe Reyna, une artiste du Texas qui nous jouait sa pièce Smart. Puis avant ça, c'était un groupe du Nouveau-Mexique aux États-Unis, A Hawk and a Hawksa, la pièce The Man Who Sold His Beard. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur le net label Peppermill Records. C'est un album qui a été enregistré lors d'un festival qu'ils ont fait dans les montagnes rocheuses. Donc, un festival qui se déroulait principalement autour de leur feu de camp. Donc, vraiment intéressant comme enregistrement. La qualité du son est vraiment incroyable. C'est comme si vous étiez. Donc, on va poursuivre avec un artiste du nom de Proviant Audio qui est sur le netlabel Loop Jazz. C'est un sublabel de Soldiers Records. Je vous fais passer sa pièce Appetite. Puis ensuite de ça, sur le label Dual Plover, je vous fais entendre de Spasmodix, un groupe qui vient de l'Australie avec leur pièce Mud on the Turtle. Donc, vous écoutez toujours Web Music sous les ondes de CKRL. Thank you. C'était les Australiens de Spasmodix avec la pièce Mud on the Turtle. Avant ça, c'était de la Norvège Proviant Audio avec sa pièce Appetite. Donc, ça se retrouvait sur le netlabel Loop Jazz. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite à rester à l'antenne. C'est Poil de Carotte qui suit tout de suite après. Nous, on va se laisser sur une pièce de Edison. Mais avant ça, je vous rappelle d'aller voir le nouveau site de CKRL, puis d'aller voter pour le gala CKRL, donc qui va être le 26 novembre prochain à la Ninkasi. Donc, c'est ça, on se laisse avec Edison, un artiste californien. C'est sur le netlabel IVDT, je vais passer sa pièce de Nobility of Being First in Line. Donc, passez une belle soirée. Thank you.